Toute la Corée assiste sincèrement le relèvement des dommages au nord de la province du Hamgyong du Nord. Les entreprises du ministère du bâtiment et des matériaux de construction ont augmenté la quantité de production de ciment à 1,5 fois par rapport à la même période de l'année dernière et fabriqué plus de 1000 mètres carrés de vitres pour envoyer aux régions sinistrées. Diverses usines de la province du Hamgyong du Sud y ont envoyé déjà beaucoup de nourriture, des produits alimentaires et plus de 40 000 matériels et articles d'usage courant d'une trentaine d'espèces. Elles produisent beaucoup plus de ciment, d'acier et d'objets de première nécessité par rapport au plan journalier, et les centrales des fleuves Hochon, Tangjin et Pujon ont produit de l'électricité de plus de 1,3 fois par rapport au mois d'août. La province du Pyongan du Nord a envoyé plus de 223 000 articles de première nécessité et plus de 22 000 outils et matériaux de toutes sortes. La province du Fang et du Sud a assuré le transport urgent de ciment et envoyé presque 50 000 mètres de tuyaux plastiques et plus de 11 000 matériaux de construction et autres objets de consommation courante de toutes sortes. La province du Chagang, qui a envoyé beaucoup de denrées alimentaires, de médicaments, des centaines de milliers d'objets de première nécessité et d'articles scolaires, a ramassé un millier de tonnes de ferraille pour contribuer à l'augmentation de production des pièces d'équipement métalliques et des appareils électroménagers.